Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousu main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Mes voisins les migrants », une série de Raphaël Kraft réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a ces barques qui coulent avec leurs passagers dans la Méditerranée. Et l'envie de voir ce que ces itinéraires et ces installations provisoires changent dans nos vies et dans nos villes. Et ce gouffre de ne pas savoir cohabiter avec ceux qui ne croient plus en rien alors qu'ils ne sont que des enfants. Alors pour commencer, les personnages. Un historien local, des habitants démunis, des militants associatifs lucides, des enfants errants, des commerçants au bout du rouleau, des policiers venus de loin et un avocat qui invoque la loi. Ensuite, le décor. Le quartier de la Chapelle, le square Bachung, des réunions de quartier, des bagarres, un pont, un ticket de métro pour commencer, la misère et l'abandon. Aujourd'hui, premier épisode, on allume la télévision. Ce sont des enfants des rues venus du Maroc qui volent, se droguent, sont extrêmement violents. Ils harcèlent les habitants du quartier de la Goutte d'Or à Paris. Il a fallu des semaines aux journalistes de compléments d'enquête pour parvenir à établir un contact et à retracer le parcours de ces jeunes migrants insaisissables. Voyez un extrait de cette enquête signée Louis Milano Dupont et Florian Lemoyle. C'est un petit square du 18e arrondissement de Paris. À deux pas des familles du quartier, d'autres enfants, livrés à eux-mêmes. On les surnomme les gamins perdus de la Goutte d'Or. Presque tous viennent du Maroc. Ils sont une soixantaine. Ils ont entre 9 et 17 ans. Comme ils sont en nombre, ils font peur. Et une personne, une femme qui pleure, on m'a volé mon portable. C'est des loups et ils ont peur de rien. Imprévisibles et violents, leurs journées sont rythmées par leur larcin. Ils ont cumulé 813 gardes à vue l'an dernier, souvent pour des vols à l'arraché, comme ce sac dont ils viennent de s'emparer. Donc je m'appelle Lanane, j'habite le quartier depuis 2 ans. Je suis à l'origine de la pétition des habitants et je suis vraiment uniquement à l'origine. C'est-à-dire que depuis, il y a 1700 personnes qui se sont emparées du texte. Et donc on demande des mesures pour sécuriser le quartier, pour que les gens arrêtent d'avoir peur en rentrant et en passant dans le quartier. Merci. Merci Patrick. Mardi 27 mars 2018, place Polonceau, quartier de la Goutte d'Or, 18e arrondissement de Paris, remise des pétitions des habitants et des commerçants aux élus et aux représentants de l'État. Je peux prendre vos coordonnées ? Alors attendez, j'ai une carte que je dois extraire. Voilà. Valérie Goetz, commissaire divisionnaire. Oh, bon, comment ça va, vous ? De mieux en mieux. Pour le moment, finalement, là, on reste. Vous restez en bien plus mineur. Bonjour, comment vous allez ? Oui, c'est bien. Et merci, hein. Ouais. Ça se voit, il y a beaucoup de changements. Mais et bravo pour les migrants. Les migrants, il n'y en a plus. Et les mineurs, ils étaient bons. C'est pas des méchants gens, mais c'était pas vivable pour vous. Non, ça se voit. Et les mineurs marocains qui avaient chassé les migrants, on les a poussés. Hein, voilà. Ne soyons pas racistes. Et puis c'est propre. Les MNA, disons. Voilà. Punk de Casbah, un documentaire de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. Bon, quand est-ce que vous me refaites des gâteaux, là, hein ? Si, j'ai mangé un aussi. J'ai mangé un Je viens vous voir, Raphaël Bourges, parce qu'il y a une lecture et une compréhension de ce qui se passe en ce moment à la Goutte d'Or comme étant un événement exceptionnel. On parle de psychose, d'hystérie. Alors effectivement, la panique morale, puisque c'est un peu de ça dont il s'agit actuelle, n'est pas une nouveauté dans le quartier et même constitutive du quartier. En tous les cas, une panique morale liée donc à une migration qui est vue donc comme exceptionnelle, mais qui ne l'est pas, puisque la Goutte d'Or, dès son origine, était un quartier de migration. Elle a toujours été, elle n'a jamais été autre chose qu'un quartier de migration. Jean-Raphaël Bourges, habitant et historien amateur de la Goutte d'Or. La Goutte d'Or, c'est un quartier qui est né au début du 19e siècle sur la commune de la Chapelle-Saint-Denis, qui a été annexé en 1860 par le baron Haussmann à Paris et qui constitue à peu près la moitié du 18e arrondissement aujourd'hui. Alors tout ceci était à l'extérieur de Paris, le long du mur des Maréchaux, et donc près d'une porte, la porte Poissonnière, aujourd'hui Barbès. C'était l'entrée de Paris. Et donc, c'est constitué ce hameau. Ici, s'est développé toutes les activités qu'on trouvait aux portes de Paris, c'est-à-dire des cabarets, de la prostitution, des lieux de fête, de vie, où on échappait à la maréchaussée parisienne. Et également, très vite, l'arrivée de la gare du Nord à proximité et le développement de la gare de la Chapelle, à l'époque, qui n'existe plus, une gare de marchandises. Il y a eu toute une activité industrielle qui s'est développée dans le secteur et donc qui a fait appel à une main-d'œuvre ouvrière et une main-d'œuvre donc qui n'existait pas sur place. Et c'est donc cette main-d'œuvre qui a commencé à peupler ce hameau qui se développait, plus exactement ces hameaux, puisqu'il y en avait plusieurs qui sont développés, qui sont réunis ensuite pour former ce qu'on appelle aujourd'hui la Goutte d'Or. Et donc toute cette population est arrivée d'abord de province, de Lozère, de Savoie, d'Alsace. Mais très très vite, dès la deuxième moitié du 19e siècle, arrivent des populations venues de Belgique, d'Allemagne, du Luxembourg, d'Italie déjà. Et très vite, on a vu aussi arriver des migrations au 19e siècle, comme les Juifs d'Europe de l'Est fuyant les pogroms. Et cela n'a pas cessé. Donc fin 19e siècle, on voit arriver les premiers Algériens, les premiers Marocains qui s'installent dans le quartier. C'est-à-dire, on arrive à la Goutte d'Or parce que en gros, on n'a pas le choix et on trouve un logement pas cher facilement. Mais du coup, c'est pas très très chouette et on a envie de partir et de s'enfuir de cet endroit. Et la Goutte d'Or a toujours été décrite par les contemporains, quelle que soit l'époque, comme un quartier peu sûr, mal famé, mal fréquenté et mal habité, puisque des habitants, évidemment, sont associés, même si ça leur échappe souvent, mais les habitants sont associés à ce qui se passe dans la Goutte d'Or. Et ce qui se passe dans la Goutte d'Or ne vient pas forcément que des habitants, mais aussi beaucoup des gens qui viennent de l'extérieur, aujourd'hui comme hier. Ce quartier, du coup, est délaissé, a toujours été un peu délaissé, et même quand les pouvoirs publics s'en occupent, c'est d'une manière toujours un peu exceptionnelle, et toujours en prenant l'endroit comme quelque chose de difficile à maîtriser. Quand les pouvoirs publics s'intéressent au quartier, on est toujours dans l'exception. On ne le traite jamais normalement. On le traite toujours comme une bête curieuse, une chose à part, quelque chose qui est difficile à maîtriser. On fait partie d'une ZSP, donc une zone de sécurité prioritaire, mais on a été une ZUS, une zone d'urbanisme sensible. Nous sommes un des seuls quartiers de Paris à être une ZEP, une zone d'éducation prioritaire. Donc nous sommes toujours dans les trucs de Z en permanence. Et ça, c'est pour les dénominations récentes, mais par le passé, c'était déjà le cas. J'ai l'impression que nous, on a toujours fait du vivre ensemble à la Goutte d'Or, alors c'est pas... le vivre ensemble, la cohésion sociale, tous les mots de la politique de la ville, bon voilà, on les décline depuis la nuit des temps. Hélène Tavera, militante associative à la Goutte d'Or. La Goutte d'Or, c'est d'abord un quartier de lutte, un quartier d'accueil, un quartier où très cosmopolite. C'est un quartier quand même où tous les indicateurs de pauvreté, pour beaucoup, sont dans le rouge. Pallier les politiques, la politique, effectivement, la société civile est là pour ça. Donc quartier de lutte, je le disais tout à l'heure, il y a énormément de choses qui se font que l'État ne fait pas, évidemment. Alors ça, là, on concentre toutes les problématiques et là, elles se cristallisent ces gamins-là, ces gamins de rue. Alors que, bon, c'est un problème parmi tant d'autres aussi. Laurence Baudelet, vous êtes directrice de l'association Graines de Jardin à la Goutte d'Or, qui est située juste en face du Square Bachung, qui est un lieu important dans cette histoire dit des MNA, mineurs non accompagnés, marocains de la Goutte d'Or, comme on les appelle désormais. Pourquoi c'est important ? Alors c'est important parce que en fait ça a été un lieu refuge très vite pour ces jeunes marocains qui ont investi le fond du square et assez vite ils ont fait fuir les familles et les enfants qui trouvaient que ça créait de l'insécurité et donc ils se sont appropriés peu à peu le square. Et on a commencé à se demander dans le quartier mais qui étaient ces enfants, on comprenait qu'ils parlaient arabe, on a essayé d'entrer en contact avec eux, en tout cas moi j'ai essayé de le faire, c'était pas évident. Et assez vite, on s'est aperçu qu'ils étaient vraiment, effectivement, seuls et qu'ils vivaient vraiment à la rue. C'est-à-dire qu'ils dormaient aussi dans les autolibs du quartier, dans la laverie qui est juste à côté de notre local. Et donc, évidemment, on s'est demandé comment est-ce qu'ils allaient survivre. Enfin bon, toutes ces questions-là se sont posées immédiatement, évidemment, à tout le monde. Et donc, on s'est trouvés très démunis. Je pense, je dis « on » parce que c'était à la fois les associations, les commerçants, les habitants par rapport à cette situation. Moi, ça fait 70 ans que j'habite le quartier. Alors, vous voyez, j'étais petite. Quand avec mes parents, j'habitais ce quartier, rue des Islettes, qui part du boulevard La Chapelle à la rue de la Goutte d'Or. Eh bien, chaque année, ça se dégrade d'une façon incroyable. On n'ose plus sortir. Dès que vous sortez, même ce soir pour venir, bon, ben, y avait une bande de 10. Ben, j'ai vite été de l'autre côté où il y a du monde. Vous n'osez plus sortir. On se fait agresser, insulter. Je comprends ces gamins. C'est triste, mais il faut comprendre aussi notre point de vue à nous. Mercredi 28 mars, salle des mariages de la mairie du 18e arrondissement de Paris. Réunion d'information sur les mineurs isolés de la Goutte d'Or. Oui, bonsoir. Donc, je suis la directrice de la maternelle Goutte d'Or. Ma voix va chevronner parce que je suis assez émue, en fait, parce que ça fait 8 ans que je travaille là-bas. Bon, ça fait pas 70 ans que je suis à la Goutte d'Or, mais je comprends que tout le monde fasse son travail, tout le monde essaie de faire au mieux, mais il doit y avoir des moyens légaux et dans le droit pour tout le monde, même pour ces pauvres gosses qui sont dehors, qui sont complètement détruits. Mais... Bravo, Claire. Ça fait une semaine qu'on appelle la police tous les jours. Je les remercie d'ailleurs parce qu'ils sont... Ils sont super, ils nous écoutent, ils sont... Et je sais qu'ils ont énormément de travail dans le quartier déjà à la base. Alors, je veux dire, on est tous là. On veut que ces enfants y soient protégés, bien sûr, mais les enfants qui viennent à la crèche, aux deux crèches de la rue des Islettes, à la maternelle, à l'élémentaire qui est juste à côté, les parents qui sont avec eux, ils ont besoin d'être protégés aussi. Ils ont le droit d'avoir une vie quotidienne normale. Des enfants qui viennent à l'école et qui voient la police ou les agents de sécurité tous les jours, c'est pas normal. C'est pas normal. Lundi, il y avait 21 enfants dans la rue des Islettes. 21. Il y a une énorme bagarre dans la rue de la Sommoire, entre les deux crèches, devant la maternelle. On est là, on ne peut pas travailler normalement. C'est pas possible de nous laisser vivre ça quotidiennement. Je ne parle pas que pour moi, je pense que... Voilà. Je suis désolée d'avoir craqué, parce que c'est pas facile en ce moment. Non mais soyez pas désolée, vous n'avez pas fait. Derniers enfants des rues en France. Alors, je distingue les enfants des rues et les enfants à la rue. Les derniers enfants à la rue, on est sur la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est d'ailleurs l'ordonnance de 45, qui scelle la naissance de la protection de l'enfance. On a eu des enfants des rues avec la problématique des Roms. Mais des gamins seuls, sans demande, en refus de prise en charge, en refus de soins, rétifs à l'accompagnement, et qui cumulent autant de problématiques, c'est inédit, effectivement. Mohamed Karkash, responsable de l'équipe d'éducateurs du CASP, Centre d'Action Sociale Protestant. Donc c'est quelque chose qui a échappé aux politiques publiques en termes de réponse, puisque le problème s'était jamais présenté. Et on a pris aussi la mesure de la difficulté de ces gamins, parce que d'abord ils arrivaient en grand grand nombre, la Goutte d'Or est devenue vraiment leur lieu de vie, paradoxalement, tout en étant à la rue. Et puis les éducateurs spécialisés, même en prévention spécialisée, il y a la question du aller vers, mais auprès de publics qui sont certes à la rue, mais qui peuvent rentrer chez eux le soir, donc avec une famille. Donc là, on est à la fois sur des gamins sans leurs parents en France, c'est en ce sens qu'on parle de mineurs non accompagnés, c'est non accompagnés de leurs parents, mais aussi, et moi j'y tiens, la question des mineurs isolés en errance, c'est-à-dire qu'on ne dit pas la même chose quand on pointe la question de l'errance. parce qu'elle dit quelque chose de leur parcours à ces gamins qui sont en errance. L'errance n'a pas commencé à Paris et en France. On a creusé la question du parcours de vie de ces gamins. Donc il s'avère que, effectivement, le problème a été pris en main à Paris parce que il s'est posé là. Mais ce sont des gamins qui ont 5-6 ans d'errance, ont une mobilité spatiale européenne. Hein, on a des gamins qui ont fait la diagonale Fès-Stockholm en s'arrêtant en Espagne, en France, en Allemagne, en Belgique. Enfin voilà. Et l'errance commence d'abord dans leur pays, ça c'est important de le souligner. L'errance n'apparaît pas en Europe. On a ce sentiment que ces jeunes fuient le Maroc pour essayer de trouver un avenir meilleur, et notamment dans l'espoir, j'allais dire, d'aider la famille qui restait au pays. Donc en fait, principalement pour des raisons économiques et pour certains qui peuvent être issus de familles un peu déstructurées sur le plan familial. Alexandre Leclèvre, vous êtes membre de l'association Trajectoire et la mairie de Paris vous a commandé un rapport sur les trajectoires, précisément, des mineurs non accompagnés marocains qui fréquentent notamment le quartier de la Goutte d'Or. Votre collègue Olivier Perroux de l'association Trajectoire dit « Ces enfants incarnent le cauchemar de la mondialisation ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Bah, quand vous prenez notamment à Tanger beaucoup d'industries du textile, ou notamment liées à tout ce qui est crevettes, décortiquage de crevettes, mais quand on prend par exemple Zara qui s'est installé aussi au Maroc, on voit qu'en fait ce sont des femmes qui sont employées dans ces industries, qui sont payées à coup de lance-pierre, vraiment le salaire est très bas, les conditions de travail sont extrêmement compliquées, et du coup le sentiment qu'on a c'est que au quotidien elles n'arrivent plus à gérer notamment tout ce qui est aspect familial, et du coup ces jeunes quelque part se sentent rejetés aussi de cette espèce de mondialisation, parce qu'en fait leur mère est employée dans des conditions très précaires, et du coup c'est pour ça qu'on a ce sentiment effectivement du cauchemar à la mondialisation, parce que quelque part le produit fini qu'on retrouve en Europe vient de ces pays, mais qui du coup a des conséquences assez dramatiques, notamment sur la structuration de ces familles et de ces jeunes. Des familles souvent monoparentales qui sont logées dans des endroits peu adapté aux loisirs, à la culture, à l'école pour les enfants. Alors, ce sont souvent des anciens bidonvilles qui ont été réhabilités, mais aujourd'hui, les conditions de logement restent très précaires. Effectivement, ce sont des grands quartiers qui sont laissés à l'abandon, où la déscolarisation est très importante. Du coup, les jeunes se retrouvent effectivement à errer. Et commencent déjà notamment à avoir des conduites en termes de toxicomanie, enfin ils commencent déjà à fumer, à avoir quelques pratiques de vol de portable, ces choses-là, et en fait on sent qu'ils sont complètement délaissés dans ces grandes zones qu'on peut considérer encore aujourd'hui comme bidonville, même si ça reste du dur. Ils vont voir où est-ce qu'on va livrer justement ces vêtements que leur propre maman, papa vont fabriquer. Et là ça se voit en fait. C'est ça aussi qui dérange beaucoup. C'est pas tant, et parce que ils ont permis peut-être aussi, finalement, de visibiliser les autres mineurs invisibles dont on parlait pas et qui sont eux là existent depuis très longtemps. Là, on a les enfants un peu frondeurs, crâneurs, qui n'ont rien à faire parce que eux sont dans une autre démarche, justement, une démarche économique, n'ont rien à perdre, n'ont pas vraiment de port d'attache. No future. Voilà, c'est un peu les punks d'aujourd'hui. C'est une forme de, et c'est en ça aussi qui dérange énormément, le fait qu'ils ne rentrent pas docilement dans des foyers comme on voudrait les mettre, etc. C'est ça aussi qui dérange. D'un seul coup, vous nous cacherez pas. Évidemment qu'ils ne le formulent pas, ils ne le pensent peut-être même pas. C'est pas la question. Mais en tous les cas, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on a d'un seul coup quelque chose, et donc l'échec un peu des politiques, puisque on le rappelle encore, hein, la prise en charge des mineurs sans domicile est de la responsabilité du département. À Paris, c'est donc la ville qui en a la responsabilité et qui n'y fait pas face, manifestement. L'histoire de ces gamins, en fait, elle tient, je crois, en un mot, c'est fugue. Ils fuient leur pays parce que voilà, les conditions sociales, sociétales sont compliquées au Maroc. Et puis, ils fuient aussi toutes les solutions qui existent en termes de protection de l'enfance. Donc, à la fois, c'est paradoxal, mais c'est assez cohérent si on considère cette problématique sur un versant psychopathologique, quoi. C'est-à-dire ? En fait, ces gamins-là, si on creuse et qu'on on se pose la question de l'errance, hein, on peut la croiser avec un phénomène qu'on connaît bien en France, c'est l'errance, mais sur le versant des personnes dites sans domicile fixe. Il y a 5-6 dénominateurs communs qui caractérisent l'errance. Hein. C'est la mobilité spatiale, la question des addictions, de la dépendance, des conduites à risque, la souffrance psychique, l'isolement social et relationnel, l'inadaptation sociale. Et ces gamins ont absolument l'ensemble de ces dénominateurs communs, sauf que ce sont des enfants. Donc ça, on n'était pas prêt. Ce qu'on peut rajouter pour ces gamins, enfin, je veux dire, moi, je parlerai d'un triptyque qui est un point commun à eux, c'est la question de l'errance, la question des addictions, des dépendances. C'est très grave d'ailleurs pour des gamins. On a des gamins qui sont addicts au-delà de la consommation d'alcool. On est sur des addictions à la cocaïne ou alors au rivotril, aux anxiolytiques, à l'ecstasy, et puis avec des polyaddictions, c'est-à-dire que tout ça peut se mélanger. Et la question de la déviance, hein, c'est-à-dire que à la fois des conduites à risque, des passages à l'acte, ces gamins qui peuvent être très violents, ils sont autant en danger qu'ils peuvent être dangereux, hein, pour le citoyen lambda. Donc on a ces trois éléments-là, hein, déviance, errance et addiction. Alors pourquoi la goutte d'or est-elle attractive ? Alors ce que disent les jeunes, donc c'est pas une enquête de police, voilà, c'est à la fois le côté, le fait de trouver des personnes voilà, qui peuvent parler arabe, mais surtout c'est là où ils peuvent trouver un squat, ils peuvent trouver en fait des compatriotes qui vont leur expliquer qu'est-ce qu'ils doivent faire pour gagner de l'argent et des possibilités de revendre et donc de pouvoir faire de l'argent au sein de ce quartier. Barbès, c'est connu internationalement. Pas toujours favorablement, mais en tous les cas, c'est connu internationalement. Et c'est un point de ralliement, c'est quelque chose qui est dans l'imaginaire, dans les pays du Maghreb. On connaît Barbès et on a souvent de la famille qui est passée par là, qui a vécu. On y a des histoires, des anecdotes. Et c'est raconté. Et ces jeunes, assez naturellement, quand ils ont commencé à remonter de l'Espagne, la France, en passant par Marseille, puisque c'est là qu'on a commencé à voir en France ce phénomène, quand ils sont arrivés à Paris, ils sont arrivés très naturellement à la Goutte d'Or. Ça semble presque évident. Où serait-il allé ailleurs à Paris ? Alors en même temps, ils arrivent en terre connue, mais ils n'ont aucune conscience des règles, des normes, souvent illicites, de la Goutte d'Or, et sont rejetés à la Goutte d'Or pour un certain nombre d'entre eux. Effectivement, ils ne respectent pas les règles, c'est-à-dire que les gens qui sont dans le business doivent avoir une certaine discrétion, ou en tout cas, si ce n'est pas une discrétion, justement, ne pas poser de problème de comportement dans le quartier. Pour ne pas attirer la police. Voilà, pour ne pas attirer la police, ou même par même la concurrence d'autres groupes, ou le rejet d'autres groupes. Alors, ce qui m'étonne toujours, moi, c'est qu'en fait, si vraiment les petites organisations criminelles qui sont présentes voulaient les exclure de la Goutte d'Or, je pense qu'ils auraient les moyens de le faire. Puisque c'est ce qui s'est passé dans d'autres villes. Par exemple, c'était présent à Berlin ou à Bruxelles. Et voilà, on a des groupes qui étaient dans la criminalité qui les ont fait partir. Donc, je pense qu'il y a une partie qui cherche à les utiliser. Et clairement, un receleur qui récupère un téléphone pour 20 euros, qui va vendre 150 euros sans aucun risque pénal, oui, c'est intéressant d'avoir ces mineurs-là. Et d'autres bien sûr, ça va les déranger. Même le petit voyou du coin ou le dealer, etc., va avoir le respect des anciens, du hedge, par exemple. C'est des choses qui perdurent quand même. On peut être dealer, mais voilà, on se tient correctement quand un hedge passe devant soi. Voilà, là, on se tient bien. Ces jeunes Marocains, eux, n'ont pas du tout ça. Et ont même agressé d'ailleurs des personnes âgées, des hedges, justement. Et par exemple, l'absence de respect ou d'une marque quelconque de déférence pour même une personne très âgée, C'est quelque chose de très perturbant et de très choquant, quelles que soient les sociétés, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve partout, et quand ça se passe ici, c'est effectivement très perturbant, et ça perturbe même les plus endurcis, qui sont décontenancés par ce genre de comportement. Jacques, je suis à l'origine d'une des deux pétitions qui ont été remises hier, c'est celle qui a été signée par 250 commerces et entreprises de nos quartiers. J'ai l'impression que vous n'entendez pas ce qu'on est en train de vous dire. Le quartier est en train de couler, ça ne va pas du tout, ça ne peut pas durer comme ça. Tout à l'heure, Madame Versini, vous avez prononcé une expression qui m'a fait un choc. Vous avez parlé d'un travail de dentelière. Un travail de dentelière, ça prend du temps. Les cafés vont fermer, etc. Il y a des gens qui vont partir, on vit dans la trouille. Juste. Pas vous laisser dire ça. J'ai parlé du travail social, j'ai parlé de la protection des enfants. Vous avez expliqué à très juste raison que c'est un travail. Vous avez expliqué à très juste raison que c'est un travail de très longue haleine. Nous en sommes conscients. Mais ce n'est plus possible. Ça fait un an et demi que ça dure. Le quartier est en feu. Ça ne peut pas durer comme ça. On entend les enfants ne veulent pas, ou les enfants veulent, etc. Non, les enfants ne choisissent pas à 10 ans de crever dans la rue et de semer la terreur dans un quartier. Ce ne sont pas les enfants qui décident. On ne laisse pas crever un enfant dans la rue. Qui peut prétendre qu'on doit laisser ces enfants librement se détruire et détruire un quartier et terroriser la population? Ce n'est pas possible. Alors moi je suis Christian Mégeron et je travaille dans le quartier, j'ai un restaurant dans le quartier. Moi je suis arrivé à la Goutte d'Or en 1980, en décembre 80, toujours dans le même appart. Et je me suis toujours plu ici. Toujours bien aimé ce quartier. Pour moi, le quartier, c'est un espèce de thermomètre de la société, même pas française, européenne, voire mondiale. Je sais pas. Enfin, c'est un espèce de thermomètre. C'est un quartier très très très mixte, populaire, assez pauvre. Et on voit bien qu'on souffre, oui. En gros, les problèmes qu'on a ici, c'est des problèmes de pauvres et de surpauvres, et c'est quand même bien lié à la mondialisation, et c'est bien lié à un partage de richesses qui se fait plus, enfin, qui s'accroît dans le mauvais sens, quoi. Et voilà, quoi. Tout ça, c'est lié. Pour moi, c'est lié. Ça vient pas de nulle part, tout ça, quoi. C'était fin de l'hiver, un voisin, un bistrot à côté, il me disait, tu vois les mômes là qui sont là, ça va pas être simple. Et puis, effectivement, ouais, ça n'a pas été simple, quoi. Ces mômes, ils se sont pointés, ils sont à la rue, ils sont complètement shootés, paumés. Et donc, il faut qu'ils bouffent, Moi, j'ai pas. Ça me désole quand je vois ça, quoi. Ils sont pas. J'ai jamais eu de problème directement avec. Une fois, ça m'est arrivé, mais le môme, il était à l'ouest, j'ai foutu dehors. Bon, voilà, c'est arrêté là. Le problème, c'est que ça crée une psychose et que les gens ont peur de se balader dans le quartier, spécialement d'ailleurs dans le coin où j'ai le resto, parce que. Ils sont quand même cantonnés surtout ici, et donc les gens ont peur parce qu'ils agressent, quoi. Ma sœur, elle est venue me voir la semaine dernière. Elle est repartie du resto à 17h, à 17h et 3 minutes. Elle a fait 10 mètres en sortant du resto, et schlac, des mômes qui ont sauté dessus, qui ont arraché son collier, s'est retrouvé au sol. Bon, voilà, elle est tombée, elle a 75 ans. Elle s'est relevée, elle était à prendre son métro, puis voilà, quoi. Mais. C'est le quotidien, quoi. J'ai été à des dizaines de réunions avec la mairie, avec la préfecture, avec les flics, avec tout ça. Et à la mairie, je sais plus comment elle s'appelle, Madame Versini, je crois, qui arrête pas de nous rabâcher en nous disant oui, mais ce qui compte avant tout pour nous, c'est la protection de l'enfance. Et moi, de lui dire que, bah oui, nous aussi, moi je suis bien d'accord, il faut les protéger, ces mômes. Et si vous les protégez, bah, il faut les arrêter, il faut les retirer de la rue, quoi. Parce que s'ils restent dans la rue, ils vont mourir, c'est sûr. Et ça bouge pas, quoi. Rien ne bouge, quoi. Le maire, Éric Lejoindre, pour ne pas le citer, il ne fait rien. Ils vont dépenser là, 22 500 euros pour faire une fraise dans le quartier, comme si on avait besoin de ça pour changer les problèmes du quartier. C'est du foutage de gueule, quoi. Donc, voilà. Donc, les gens en ont marre, quoi. Je sais pas, moi, c'est le discours que j'entends, moi, des gens du quartier, tout le monde dit la même chose. Tout le monde dit, mais c'est incroyable. Ça se passerait dans n'importe quel autre quartier de Paris. Ça tiendrait pas deux jours, quoi. Donc, pourquoi à la Goutte d'Or, on a l'impression qu'ici, les pouvoirs publics se disent, bon, de toute façon, il faut que ça se passe quelque part, donc voilà, c'est à la Goutte d'Or, et puis voilà. Quoi. Comme ça, au moins, c'est cantonné ici, et ils font pas chier ailleurs, et puis voilà. Quoi. Mais en plus, il n'y a pas que moi, hein, c'est un quartier où il y a énormément de nounous, il y a énormément de logements sociaux, et il y a plein de gens qui amenaient leurs mômes en garde, ici, et ben, ils les amènent plus. Donc les nounous, elles sont les premières à gueuler, d'ailleurs, dans les réunions de public, elles sont les premières à gueuler en disant « mais nous, on n'a plus de boulot, quoi ». Donc, ça, oui, c'est un problème, mais ça pose un problème économique pour tout le monde, quoi. Il n'y a pas que les restaurants, c'est tout le monde. Oui ? C'est Raphaël. Et je t'ouvre. La porte est ouverte. Malika, assistante maternelle à la Goutte d'Or. Je suis assistante maternelle, donc je travaille chez moi à mon domicile, donc agréée, hein, donc je travaille dans le 18e, dans la Goutte d'Or. Okay. Et votre clientèle, c'est qui ? C'est des parents, en fait, des particuliers, des gens qui m'emploient pour garder leurs enfants. Des gens du quartier ? Non, pas forcément. Il y en a du quartier, mais d'autres de l'autre côté du boulevard. Ça dépend. Du 10e, j'ai aussi des parents qui viennent du 10e, gare de l'Est, gare du Nord. C'est pas complètement innocent de dire de l'autre côté du boulevard. Qu'est-ce que c'est de l'autre côté du boulevard ? C'est les riches ? Un petit peu, on peut dire ça comme ça. Et donc, vous voulez parler effectivement du boulevard Barbès, qui est la frontière ouest occidentale de la Goutte d'Or. Et là, on se situe rue de Gessin, non, rue de la Charbonnière. Voilà, plutôt dans l'est de la Goutte d'Or. Qu'est-ce qui se passe dans le quartier là depuis un an et demi ou deux ? On peut dire. Moi, des fois, je dis un cauchemar, mais peut-être j'exagère un petit peu, mais le quartier a changé, en fait. Ça fait, on peut dire même un an. Moi, j'ai remarqué ça depuis le Ramadan l'année dernière. En fait, je ne me rendais pas compte en bas de chez moi, mais vers le métro, un jour, je suis allée acheter des sandales à mon fils où il a fait super chaud. Et donc, il y a eu des histoires, de la bagarre, en fait, où une femme frappait un homme et il l'insultait. En fait, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, mais on est où là ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, je me suis rendu compte, j'ai pris le 31 après avoir acheté les sandales et j'ai discuté beaucoup avec le chauffeur qui m'a dit que lui, il travaille ici, mais il habite, je ne sais plus où il m'avait dit, la ville où il a un jardin et il est très heureux. Et je lui disais que moi, j'adore mon quartier et c'est vrai que c'est... Je ne me voyais pas partir, en fait, ailleurs. Je me dis, si je pars d'ici, je serais peut-être malheureuse. Mais au final, bah, ça s'est fait, hein, parce qu'effectivement, on a décidé de partir quand même, malgré tout. Oui. Vous avez décidé de partir ? Oui. À cause de ce qui se passe dans le quartier en ce moment ? Principalement, oui. Parce qu'il faut dire qu'ils font des dégâts aussi. Et une fois, il a mis la main dans ma poche, parce que j'avais une boîte de médicaments. Et je me suis énervée contre lui, et il s'est excusé, en fait. Il me dit « Pardon, Mima », ce qui veut dire « Maman, pardon, Mima ». Et puis je lui dis de colère « Non, je ne te pardonne pas ». Et je pars acheter la baguette, je remonte, et je les ai trouvés à trois, en train de m'attendre sur le trottoir en face, pour me dire « pardonne-lui, Mima », enfin, à trois. Donc après, ben, je les ai regardés, je dis « Ok, je te pardonne, mais tu ne recommences pas, parce que moi, je suis la voisine ». Bon, ça n'explique pas, hein. C'est pas parce que je suis la voisine, ils ne devraient pas faire ça. Alors, vous allez partir ? Oui. Et vous allez manquer dans le quartier parce que les jeunes qui sont face au café de la Charbonnière qui vous empêchent de passer avec vos poussettes, vous leur gueulez dessus. Oui, ça m'arrive. De façon maternelle. Oui. Quand le boucher, il vous vend une viande qui est un peu dure, vous lui gueulez dessus. Quand les jeunes Marocains vous agressent, vous leur filez des tartes. Le quartier a besoin de gens comme vous, ouais. Croyez pas ? Oui, mais bon, au bout d'un moment, hein, voilà. Et au final, c'est plus pour nos enfants aussi. Ouais. Voilà, parce que mon fils, mon aîné, il rentre l'année dernière tous les soirs du travail. Et surtout le jour où il ramène un sac où il a acheté quelque chose. Et la police le contrôle et il en a marre. Donc, c'est aussi ça. La question de l'autorité, effectivement, j'ai envie de dire, c'est la première chose qu'on essaye de travailler, c'est-à-dire réinstituer un cadre symbolique chez ces gamins, quelque chose qui fait bord dans le réel et qu'ils acceptent d'intégrer. Quand on aura passé cette étape, ce que permet l'accueil de nuit, le travail de rue, l'accueil de jour, on pourra éventuellement réfléchir à la question du droit commun. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est encore trop... Mohamed Karkash, fragile. Centre d'action sociale protestant. Il y a une certitude pour ces gamins-là, c'est que la rue, il n'y a pas de bord. Et là, ils ont ce sentiment de toute puissance sur lequel on essaye, nous, d'agir, parce que ça les met en danger, puis ça peut aussi mettre en danger... les citoyens lambda, parce que ce sont des gamins, voilà, qui. Alors je dis souvent, ce sont des enfants, mais pas des enfants de cœur, qui passent leur temps à arracher, c'est-à-dire qu'ils volent les portables, les bijoux. Mais. Donc ce dispositif multimodal, il est pensé sur un accueil à bas seuil d'exigence et puis à haut seuil de tolérance. On accepte tout ce qui est déviance, tout ce qui est comportement inadapté. Enfin, on essaie d'apprivoiser ces gamins à partir de leur inadaptation sociale. Si on fait pas ça, on les approche pas. C'est-à-dire que bah, ça passe par... ce sont des gamins farouches, extrêmement rétifs à l'aide de l'adulte. C'est un peu au secours, ils veulent m'aider, si vous voulez. Ou alors, s'il te plaît, ne m'aide pas. Quoi. Donc on accepte d'être accueilli par des insultes. On accepte d'être bousculé. On accepte... et puis c'est comme ça qu'on arrive à se faire accepter. C'est-à-dire que le travail... paye et porte ses fruits au bout de plusieurs semaines. Moi, je parle de relation, d'apprivoisement, qui fait naître la relation d'aide, qui elle-même peut faire émerger une relation éducative. Et puis, bah, seuil d'exigence, c'est-à-dire que sur l'accueil de nuit, on accepte tous les gamins qui en font la demande. Il n'y a absolument pas de contrainte. Dès lors qu'il y a une contrainte, les gamins s'en vont. Il n'y a pas de fugue. S'ils veulent quitter le lieu d'accueil et de répit, d'hébergement, ils peuvent partir. Mais on s'aperçoit que ça porte ses fruits parce que dès lors qu'ils savent qu'il n'y a pas de fugue, ben là, ça leur donne pas nécessairement envie d'en faire une. C'est des gamins qui nous ont appris plein de trucs, qui ont réussi à inventer des trucs qu'aucun n'avait fait avant. Par exemple, la question des alias. Bon, déjà, ils arrivent, ils n'ont pas de papier d'identité. C'est pour ça que c'est des mineurs non accompagnés. Et puis... pour échapper un peu à toute tentative de prise en charge classique, parce que ça leur est insupportable, ils ont compris un truc, c'est qu'ils se jouent des adultes en inventant des alias, en changeant d'alias régulièrement. On a recensé pour un seul enfant jusqu'à 24 alias. Donc ils ont compris que déjà c'est une façon d'échapper à la loi au sens de la contrainte. Et ils ont aussi compris que selon l'âge qu'ils avaient, c'est-à-dire en dessous de 13 ans en France, on relève pas d'une sanction pénale. Comme ces gamins dont je vous disais qu'ils avaient une mobilité spatiale européenne, ils peuvent même comparer les schémas de protection de l'enfance des pays européens. Moi j'ai des gamins de Fès qui m'ont expliqué comment les mineurs sont pris en charge en Suède, en Allemagne. Donc c'est assez sidérant. Ils font du benchmarking. Vraiment, ils nous enseignent là-dessus. Nous, on a des gamins qui sont là depuis un an, qui parlent couramment l'espagnol parce qu'ils sont tous passés par l'Espagne très longtemps. J'ai des gamins qui ont fait un an, deux ans à Munich, qui parlent l'allemand. Et par contre, le français, non. Et on s'est posé la question de savoir mais pourquoi ils étaient aussi rétifs à ça. Et ben en fait, tout simplement parce que ce qui est assez, qui les traverse tous, ils sont pas 100, hein, aujourd'hui ils sont une trentaine, c'est que la France est un pays de passage. Et Paris en particulier. Et dès lors que c'est un pays de passage, on est dans le ici et maintenant, d'abord, ils fonctionnent comme ça psychiquement, mais ils ont aucun intérêt à s'intégrer à la société française. Donc en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces gamins nous ont mis dans nos retranchements, nous, institutions publiques, etc., ce qui a donné l'idée à la ville de Paris de nous financer, de créer un dispositif, et à la DASES. Et en fait, il y a une zone d'ombre, enfin, il y a pas une zone de non-droit. On pourrait penser que eux veulent instaurer une zone de non-droit, ça c'est vrai, sur le territoire de la Goutte d'Or, par exemple. Ça, on a cassé ça. Il n'y a plus de bataille rangée entre les Yamans de Fès et Tangers. Il y a 6 mois, c'était une boucherie. Et il y a une zone d'ombre dans la loi, c'est-à-dire que la justice des mineurs, voilà, cette case, elle n'était pas remplie. Et du coup, le législateur, je pense, va réfléchir à essayer d'apporter une réponse adaptée pour lever cet obstacle. Parce que je suis convaincu que si on lève cet obstacle... Quel est l'obstacle ? Ben, c'est creux dans lesquels ces gamins se logent pour échapper à la justice des mineurs. Je suis convaincu qu'il faut les lever parce que on peut perdre des gamins si y a pas de réponse pénale. Ils se mettent tellement en danger, ils ont des comportements ordaliques, ils sont capables du pire, mais d'abord pour eux-mêmes. On les accompagne à l'accueil de nuit. Là, on part de la demande. Alors aujourd'hui, elle est instituée, c'est-à-dire que les gamins nous attendent pour partir à l'accueil de nuit. Et puis surtout, ce qui fait aimant, c'est qu'on a l'accueil de jour, là où nous sommes, qui aspire à peu près 10-15 de gamins par jour. On a un espace de repos, de répit. D'ailleurs, c'est le projet qu'avait initialement déposé le CASP, qui a été retenu par la DASES à la ville de Paris. C'est de la rue au répit. Et du coup, l'idée maintenant, c'est du répit à la stabilisation. Et après, on pourra avoir l'humilité de penser qu'on pourra aller de la stabilisation vers la protection de l'enfance. Alors, je vous ai accompagné l'autre soir à l'accueil de nuit. C'est extrêmement périlleux chaque jour pour les emmener jusque dans le 11e arrondissement de Paris. Effectivement. Alors, avant, on partait du métro Barbès avec 10 gamins. On arrivait en partant avec 10 gamins au métro avec 2 gamins. On s'apercevait qu'ils étaient complètement voracisés par l'univers un peu anxiogène de la rue des Islettes et de l'entrée du métro Barbès, parce qu'ils sont happés par les dealers, par les revendeurs. Donc on s'est dit, il faut faire autrement, parce que bon, on pouvait aussi descendre la rue des Islettes et puis être pris dans une bagarre parce que le gamin arrachait. Enfin bon, c'était un carnage. Donc on a fait un pas de côté, et physiquement et intellectuellement, on part du métro La Chapelle. Donc via ce pont, alors symboliquement ce pont fait une passerelle, du coup on perd quand même moins de gamins, ils sont moins sollicités. On rentre dans le métro, alors on donne des tickets de métro à chaque gamin, hein, on va introduire du droit commun, de l'ordinaire, un peu de la citoyenneté. Alors c'est dérisoire, mais ça a du sens, parce que l'idée c'est que bah ils peuvent être comme tout le monde quand même, hein, c'est le miroir qu'on veut leur tendre. Donc on arrive au métro, alors là accompagné et puis protégé de lui-même et puis des autres, hein, il y a toujours cette idée que c'est sur les deux versants. Donc ils nous ont dans les pattes, ils aiment pas, mais maintenant ils se sont habitués. Et puis après l'autre épreuve de l'Odyssée, c'est la rue du Chemin Vert, qui est une rue très commerçante, avec terrasse, café, elle est achalandée, etc. Et chez ces gamins, tout fait tentation. On se croirait toujours dans un Tex Avery, oui. Renard dans le poulailler. Oui, ils ont un côté Toons, mais version trash, version punk. Punk. Ouais, c'est vraiment... ils sont impressionnants, puis surtout avec version marocaine, quoi, version petit Marrakech, quoi. Donc avec l'accent un peu... méditerranéen. Bon, maintenant, on a des habitudes. Il y a un éduc qui ouvre le cortège. Il y en a un qui le clôture. Souvent, c'est moi, parce que je les vois de haut. Il y en a un ou deux au milieu, selon qu'on ait 10 gamins, 7, 8. On a été jusqu'à accueillir 17 gamins pendant la période de Ramadan pour 10 places. Et le moindre portable, sur la moindre terrasse, on a des gamins qui cavalent, qui veulent arracher... Donc on a vécu des scènes, on peut en rire, parce que ça aide les éducateurs à en rire quand même, cette tragédie quotidienne, où là on est dans un dessin animé, où la réalité dépasse la fiction, des gamins qui courent avec des gens qui leur courent après, nous qui courons après les gamins, etc., moi qui attrape les gamins par le callback, enfin bon. Donc maintenant, la rue du Chemin Vert, et puis je suis allé voir tous les commerçants de la rue du Chemin Vert, pour en dire quelque chose, etc., enfin, pour essayer de pacifier. Voilà, le travail éducatif porte ses fruits, mais il suffit d'intégrer un ou deux nouveaux pour recommencer. Aussi, donc voilà, on est en alerte en permanence, en sentinelle, sur la question de l'accompagnement de l'escorte, de la protection, et puis en alerte, quoi. Nicolas, vous le permettez, monsieur le maire, donc je suis Romain Guillonnet, je suis membre du comité directeur de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, et j'ai été invité ici par la Fédération des acteurs de solidarité Île-de-France, où j'ai une autre casquette, une petite association qui est à Gare du Nord et à Belleville, et j'ai demeuré rue Custine-le-Bas à Château-Rouge. Bien. Je pense qu'il y a des choses à faire. Ce ne sont pas des bébés élevés en éprouvette pour faire de la délinquance et du vol à la tire. C'est quand même des gamins qui ont eu un parcours. Donc les citoyens dont je suis doivent vivre en paix, et ces gamins, on doit trouver des solutions. Les solutions, en partie, elles existent. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la volonté politique, à ce jour. C'est des jeunes, certains jeunes peuvent être meurtriers, peuvent être assassins, ils peuvent être braqueurs. Est-ce qu'il faut pour autant leur couper la tête? Je ne dis pas qu'il faut les laisser dans ces quartiers. Je dis qu'il faut des structures pour les accueillir, je dis qu'il faut des travailleurs sociaux. Je dis que quelque part, il faut des gens qui ont du liant, qui ont l'accroche sur ces gamins. C'est indéniable qu'on n'en est pas là. Alors peut-être qu'il faut prendre ce problème à la source. Jean-François Martini, je suis salarié au GISTI, je suis chargé d'études et juriste. Dans la première quinzaine du mois de juillet 2018, vous recevez au GISTI deux documents. L'un faisant état d'un arrangement administratif entre les polices françaises et marocaines, l'autre faisant état d'une réunion survenue le 11 juin 2018 entre le préfet de police de Paris, ses directeurs de cabinet, et l'ambassadeur du Maroc, le consul du Maroc à Paris. Quel était l'objet de cette réunion ? On a l'impression vraiment que se met en place une coopération policière, strictement policière, en vue d'un retour qu'on imagine plutôt contraint et forcé de ces jeunes, qui là, pour le coup, serait contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant, mais aussi simplement au droit national français, qui prohibe tout retour contraint de mineurs étrangers. C'est très inquiétant, hein, déjà que ce travail soit confié à des policiers marocains, hein, puisque le deuxième document qu'on a rendu public, c'est un arrangement administratif et qui met en place un système de coopération policière. Les recherches sur l'identification et les familles dans le pays d'origine, ça va être des recherches de type policier. On sait que vous êtes les parents, vous avez intérêt à demander son retour. On vous le conseille très fortement, nous, police marocaine. Et on voit bien que là, il pourrait y avoir un système de contraintes vis-à-vis des familles, en leur disant, vous avez intérêt à demander le retour, c'est dans votre intérêt. Et ensuite, vis-à-vis de la partie française, se saisir de la demande des parents en disant, mais vous voyez, les parents demandent le retour, donc il n'y a plus qu'à exécuter. Emmanuel Daoud, avocat au barreau de Paris, co-responsable de l'antenne des mineurs du barreau de Paris. La France, comme tous les pays qui ont ratifié cette convention, c'est la Convention internationale de La Haye, qui prévoit que le droit qui s'applique est le droit où se situe l'enfant. En l'occurrence, ces mineurs sont sur le territoire français. Et c'est la loi française qui doit s'appliquer. Cela veut dire quoi concrètement ? Cela veut dire qu'on doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant pour assurer sa protection. Et assurer sa protection, c'est s'assurer que celui-ci, de façon consentie, libre et éclairée, aurait envie de retourner au Maroc. Or, l'on sait que pour la plupart d'entre eux, ils étaient déjà en situation d'errance au Maroc, que beaucoup d'entre eux, à tort ou à raison, se sont sentis abandonnés, et qu'il n'en reste pas moins que l'évaluation de la capacité d'assurer leur protection sur le territoire marocain, on n'en parle absolument pas. Et on doit l'examiner au regard de la loi française. C'est ça qui est important. Et il y a un rapport des Nations Unies, de l'année dernière, je crois, qui a évalué le dispositif de protection de l'enfance marocain pour dire que celui-ci ne répondait pas aux standards internationaux. Et donc, de notre point de vue, avocate et avocat de terrain, il faut absolument qu'au moment où ces enfants, souvent dans le cadre d'une interpellation parce qu'ils commettent des délits, lorsqu'ils sont interrogés par des policiers français, et depuis le mois de juin et la mi-juin, depuis qu'ils sont également auditionnés par ces fameux policiers marocains, que l'on puisse s'assurer que les questions qui leur sont posées le soient dans leur intérêt. Et ce ne sont pas des policiers qui sont seuls compétents sur le sujet, il doit y avoir des avocats et des juges. Le ministère de l'Intérieur est tellement embarrassé par cette situation qu'ils ont envisagé de considérer que parce que ces mineurs refusaient d'être placés, on devait considérer qu'on pouvait les exclure du système de protection de la jeunesse. Du côté du ministère de la Justice, comme des avocats, on considère que ce sont des enfants, et du côté du ministère de l'Intérieur, on considère d'abord que ce sont des étrangers et des étrangers délinquants et qu'il faut s'en débarrasser. Cela n'est pas acceptable, et nous en tout cas, avocats, nous sommes fin juillet, nous essayons de nous battre pour éviter que l'on règle cette situation dramatique de façon clandestine. Et souvent, en ces matières, les mauvais coups sont faits pendant l'été, pendant la période de torpeur estivale et de moindre attention des citoyennes et des citoyens. Et bien de ce point de vue-là, c'est raté. Vincent, vous êtes infirmier au CASP. On est dans un des quelques squares que compte la Goutte d'Or et où vous avez officié en votre qualité d'infirmier auprès de ces jeunes qu'on appelle les mineurs non accompagnés marocains de la Goutte d'Or. Ça consiste en quoi, votre travail ? Ça consiste à soigner leurs blessures, les petites choses qu'ils peuvent avoir au quotidien, et aussi à les accompagner dans d'autres structures pour des problèmes plus importants ou des pathologies mineures qui nécessitent de voir un généraliste, et si plus grave, de les accompagner à l'hôpital pour qu'ils puissent avoir accès à des soins. Bah, ils ont beaucoup de blessures, de plaies, donc ça effectivement c'est pas forcément quelque chose qu'on voit forcément chez des jeunes, par arme blanche, par bouteille, dû à des bagarres. Et ensuite les choses qui sont un peu surprenantes, c'est plus les maladies infectieuses dermatologiques comme la gale par exemple. Ça c'est un problème assez récurrent qui revient souvent chez eux qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en temps normal. Ils ont les maladies de la rue, les maladies de l'errance. On peut dire ça, oui. Bah, ce qui est surprenant, c'est de voir ces jeunes qui, a priori, ne viennent pas forcément de la rue dans leur pays, décider un jour de partir pour une espèce de rêve qui est assez difficile à définir, mais d'un bonheur, il y a une richesse matérielle, et de faire tout ce qu'ils font et de continuer à vivre dans la rue et à faire des choix très, très difficiles, et qui se retrouvent bloqués là parce qu'ils ne savent plus trop comment faire pour s'en sortir, et ils s'attachent très vite à la rue, alors que ils voient bien que c'est pas du tout une solution et que c'est très difficile et très dur pour eux. Ils ont toujours des projets. Quand on leur demande un peu qu'est-ce qu'ils vont faire après, ils s'imaginent toujours ailleurs en fait, dans une situation meilleure avec de l'argent, mais ils n'arrivent pas à construire quelque chose pour arriver à ça. C'est toujours une illusion en fait. Enfin, ça y ressemble en tout cas. Mon lacrime me quema como la gana de estar contigo, niña, pero no puedo, no puedo llevar hasta Place Clichy contigo, llevar hasta Place Clichy. C'était Punk de Casbah, mixage Alain Joubert, un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. Paris, dame un beso y cógeme en tu brazo. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au Conseil de quartier, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram.